Les chasseurs de nazis. Chapitre 6. La méthode Klarsfeld. Deuxième épisode. Une méthode parfois expéditive. C'est en tout cas celle employée il y a 50 ans, le 7 novembre 1968, par Beate Klarsfeld. Ce jour-là, elle monte à la tribune du congrès de la CDU, le parti ouest-allemand du chancelier Kurt Kiesinger. Elle gifle l'homme politique qui est, excusé du peu, un ancien responsable de la propagande radiophonique d'Hitler. À l'époque, j'avais 29 ans, donc c'est la jeunesse, enfin, c'est les enfants des parents nazis qui giflent la génération des nazis. Donc c'était pour ça, c'était symbolique. C'était aussi une gifle qui était préparée parce qu'au moment de son élection en 1966, j'étais à Paris, j'ai quand même essayé de comprendre un petit peu ce qui était arrivé en Allemagne entre 1933 et 1945. Je me suis renseignée, j'ai commencé en 1963 à travailler à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, pour échanger les jeunes entre les deux pays. Kiesinger, en 1968, il est devenu donc chancelier. Il y avait très peu de documents, mais nous savons juste quand même qu'il était propagandiste nazi, homme de liaison entre les affaires étrangères, le ministère de la propagande. J'avais la jeunesse allemande derrière moi, mais elle était un peu abusée parce que dans les ministères, il y avait des nazis partout. Le premier parlement allemand, il y avait 123 anciens nazis. Donc, c'était quelque chose de devenu très normal. Et puis, chez moi, à l'ouest, les ennemis devenaient des communistes. Alors, nazis, on n'en parlait plus. Et donc, c'était très difficile de changer quelque chose. Que nous, ce qu'on voulait, qu'il soit obligé de se retirer à cause de son passé. Alors, on a commencé à trouver des méthodes et on a compris, pour manipuler la presse, il faut des choses spectaculaires. La presse le lui rend bien, comme en témoigne cet article de novembre 1968. Les nouveaux amis de Beate Klarsfeld, les étudiants belges, sont allés chahuter le chancelier Kiesinger sans que celle-ci soit là pour voir l'embarras de son adversaire. Le chef de l'État allemand a d'abord eu la mauvaise surprise de se faire insulter par une centaine d'étudiants massés devant le Palais des Beaux-Arts où l'ont invité les grandes conférences catholiques. Ce n'était rien à côté de ce qu'il attendait. À l'intérieur de la salle, les manifestants avaient en effet réussi à occuper quelques points stratégiques, et dès ses premiers mots, le chancelier d'Allemagne, qui parlait en français, a été interrompu par des slogans du style Kiesinger nazi. Une première fois, la police intervint. Le chancelier croyait en avoir terminé avec les perturbateurs, quand 10 minutes plus tard, le chahut reprit avec plus d'intensité encore. Du balcon de la salle explosaient des pétards, tandis que des tracts tombaient sur le public de l'orchestre. C'étaient de petits carrés de papier sur lesquels étaient inscrits ces mots « Parti national-socialiste, Kiesinger, Kurt, Georg, carte de membre numéro 2633-930, date d'affiliation, 1er mai 1933 ». Dans la salle, on leur criait « Dehors, à Moscou, à Prague !» Un peu partout, on se battait. Quelques jeunes gens furent expulsés. Et à chaque incident, le chancelier, qui devait parler plus d'une heure, regardait le public sans le voir, l'air étonné, et croisait les bras en attendant que l'orage passe. Serge Klarsfeld revient sur une autre action spectaculaire menée en 1974 par Beate Klarsfeld. On choisit le jour du Yom HaShoah, Beate va à l'intérieur du camp de Dachau, elle téléphone aux autorités allemandes pour dire qu'elle est au camp de Dachau, ils sont obligés d'entrer dans le camp de Dachau et de l'arrêter, et puis elle se retrouve en prison. Bon, il y a des grandes manifestations en Israël, il y en a à Paris, tous les bus allemands sont marqués à Paris. En Allemagne, il y a des manifs devant l'ambassade, la Knesset se réunit, enfin, etc. Donc il y a une pression qui s'exerce, et la pression réussit, et finalement on arrive au procès, mais les procès sont toujours des procès symboliques, parce que on ne tue pas le criminel, parce que les victimes ne sont pas ressuscitées, etc. Donc ce sont des symboles. On a fait juger les trois principaux criminels impunis, Lischka, Hagen et Heinrichson, qui avaient présidé à la déportation des enfants juifs de la rafle du Veldiv. Pour mémoire, la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, a consisté en l'arrestation de 3118 hommes, 4115 enfants et 5919 femmes. Au total, 13152 juifs. Le Veldiv, c'était le Bercy de l'époque. Sport et réunions politiques, la plus grande salle de Paris. Dès 1941, l'antisémitisme du régime de Vichy s'y déchaîne. La Légion des volontaires français contre le bolchevisme s'est constituée. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'hiver. Les mentis. Oh, ce qui a été battu, ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salons, de juifs et de capitalistes qui nous dirigeaient. Les premières rafles ont lieu de mai à décembre 1941. Puis les nazis et le gouvernement de Pétain décident les déportations massives. René Bousquet, promu secrétaire général à la police au printemps 1942, promet au chef SS l'arrestation de milliers de familles juives. L'opération dite « Vent printanier » prévoit 28 000 arrestations dans Paris. Il y en aura près de 13 000. Avec le procès de ces trois criminels, Lischka, Hagen et Heinrichson, le contentieux judiciaire franco-allemand découlant de la Seconde Guerre mondiale a été réglé et ça a été un procès exemplaire. On a fait venir des milliers de juifs à Cologne, alors que pour les procès, disons, concernant les juifs en Allemagne, les juifs n'y allaient pas. Jamais les Allemands n'avaient vu depuis la nuit de cristal autant de juifs dans les rues que la veille du verdict où il y avait plus d'un millier de juifs qui défilaient dans les rues de Cologne. Extrait du documentaire « La chasse des nazis » d'Isabelle Clark pour France 2 en 2006. Un documentaire qui revient sur le procès de Cologne de 1979. Serge Klarsfeld et son association des fils et filles des déportés juifs de France envahissent le palais de justice de Cologne. C'est une victoire, un procès en Allemagne, rendu possible par 10 ans de combat obstiné contre le fameux protocole de Paris. Chaque audience, il y a eu 35 audiences, le tribunal était rempli, la salle était remplie de juifs venus de Paris et devant le tribunal, il y avait des manifestants. Et c'est ça une pression. Mais il a fallu mobiliser pendant des années l'opinion juive et l'opinion française aussi. Et c'était un procès qui a été considéré du point de vue des Israéliens, des Juifs de France et des Allemands comme un procès qui a rapproché tout le monde. C'est un procès, un verdict exemplaire, procès de grands criminels fait à l'aide de documents où ils se retrouvaient confrontés non pas à des témoins, mais à leur propre signature et à l'interprétation de ce que vous signifiez les documents qu'ils avaient signés. Serge Klarsfeld a réuni tous les documents, les ordres signés, les preuves irréfutables. C'est ainsi que nous avons pu restituer à Lischka des documents dont la signature était cataloguée illisible, ou bien qui étaient attribués à Daneker, son collaborateur direct dans le problème juif à Berlin et à Paris, qui avait rédigé ses notes et ses ordres signés par Lischka. Arrêtons-nous quelques instants sur Kurt Lischka, dont Serge Klarsfeld dresse le portrait dans ses mémoires. La Gestapo parisienne, c'est Lischka. Les interrogatoires de la rue des Saussets, c'est Lischka. Les grandes rafles de juifs, c'est Lischka. Tout l'appareil policier allemand en France est entre les mains de Kurt Lischka. Il ajoute à ses fonctions toutes puissantes celle de chef du département du renseignement des nazis à l'échelle nationale, chargé des questions policières et juridiques. Citons, parmi les responsabilités de cette très importante section, la surveillance générale de la police et de la gendarmerie française, le contrôle de la législation française, les demandes de personnel à la police française, la police des camps, les mesures générales d'internement et de détention, la rédaction et la promulgation des ordonnances en matière de police, enfin, les mesures d'expiation, les représailles. C'était le bureau 2, Paul 3, qui était chargé de l'exécution des otages. Les fusillés de Romainville, du Mont-Valérien, c'est toujours Lischka. Et d'autant plus qu'une fois la décision de représailles prise par le général SS Oberg, assisté de son homme de confiance Hagen, c'était la Gestapo, que Lischka supervisait, qui désignait les otages à abattre. Lischka était tout puissant pour les propositions d'exécution des otages, pour le choix des personnes et pour l'exécution elle-même. Lischka, 10 ans de prison. Hagen, 12 ans. Heinrichson, seulement 6 ans. Tous les trois auraient pu finir leur vie tranquillement s'il n'y avait pas eu les Klarsfeld. Bon, on a obtenu aussi le procès des criminels qui avaient dirigé la solution finale en Belgique, le procès de Ehlers, donc le chef de la police nazie en Belgique, et le procès de H, chef du service anti-juif de la Gestapo. Et la veille, il savait qu'il serait condamné au terme du procès, donc il s'est suicidé. Et H a été condamné aussi après un procès qui a été un procès exemplaire. À demain pour la suite des Chasseurs de nazis. Une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.